Je voudrais annoncer une bonne nouvelle à nos amis de TF1 Productions qui écoutent l'émission en podcast. Voici quelque chose qui vous est dédié. Hein. TF1 Productions, ça fait penser à qui ? Oh, oui, à pas mal de gens. Le grand patron de TF1. Oui. Paolini ? Non, le grand patron. Sarkozy ? On va avoir un procès. J'ai pas été invité avec le grand patron. Je suis désolé, je suis pas. Mais non, mais t'avais une anecdote avec là. Merlin. Il est là, le président. Ah, chez Bouygues. Voilà. Il faut te la tirer. Ah oui, t'en as mangé du béton. Ouais, ça ne nous regarde pas. Tu fais ce que tu veux avec Bouygues. C'est Merlin qui se promène et rencontre un ouvrier de chez Bouygues. Ah. Encore une nouvelle. Oui. Alors Merlin se présente. Merlin. Et l'ouvrier lui répond en chantier. Bravo. Et alors, mais il l'a pas toujours raconté. Non, non, William, fais la version originale pour William. Merlin, alors. Oui, c'est Merlin qui se promène et il rencontre quelqu'un. Oui. Je m'en souviens même. Merlot. Hein? Merlot. Oui, et il rencontre et il lui dit en chanteur, c'est ce que j'ai fait la semaine dernière. Non, en chanteur, non, en chanteur. Voilà. Pourquoi veux-tu qu'il maman, j'arrive.